Pour 47, exercice test, venir de, pronom réfléchi. Complétez selon l'exemple. Vous entendez? Comment t'appelles-tu? Et vous écrivez? Mais, je viens de me présenter. Ah. Comment s'appelle-t-elle? Deux. Comment vous appelez-vous? Trois. Comment s'appellent ces jeunes gens? Quatre. Comment s'appelle ce jeune homme? Cinq. Comment s'appellent ces jeunes filles?